l'instinct du pitch. Néo-chrome. Marre de trimmer, on a tout approuvé. Rage au ventre, ouais, on a tout approuvé. L'envie de percer, on a tout approuvé. Pose, t'es dans l'ombre, t'es dans l'ombre. Marre de trimmer, on a tout approuvé. Rage au ventre, ouais, on a tout approuvé. L'envie de percer, on a tout approuvé. Pose, t'es chez dans l'ombre. C'est pour les gosses de la rue. Pose, t'es dans l'ombre. Les futurs boss de la ruche. Pose, t'es dans l'ombre. J'te parle des sas de la cruche. Pose, t'es dans l'ombre. Nique les tasses comme la juge. Pose, t'es dans l'ombre. J'arrive du bloc pour braquer le rap à la tempe. Chargé comme un tank, on sait pertinemment ce qu'on rate à la tente. Jour après jour, j'vois bien que mon but s'éloigne. Et qu'au final, celui qui joue de la flûte, c'est Wham. Get à la classe et fais de la place, pétasse. Près de la hasse, cette lâche, lâche, fais le taf et j'trace. Avis aux amateurs, Polyakov dans les veines. Grosse pif d'herbe, c'est Farash, Nikov dans les verres. J'ai le flow qui saccage, flow qui saccage. Quand le fauve qui te saccage, le faux, faut qu'il s'arrache. Le faux, il tripe sa hasse, sa âme, c'est Sarajevo. Salera en cas à Farash, Nikov, arracheur de micro. Marre de trimmer, on a tout approuvé. Rage au ventre, ouais, on a tout approuvé. L'envie de percer, on a tout approuvé. Boost, t'es jeté dans le hall, jeté dans le hall. Marre de trimmer, on a tout approuvé. Rage au ventre, ouais, on a tout approuvé. L'envie de percer, on a tout approuvé. Boost, t'es jeté dans le bloc. C'est pour les chiens qui tiennent les murs. Boost, t'es jeté dans le hall. Qui baisse les chaînes, les serrures. Boost, t'es jeté dans le hall. Qui traîne leur peine sur le cul. Postiché dans le hall, aucun je t'aime à une pute. Postiché dans le hall. Plus de quartier zen, ça s'éclate les veines. Vas-y garde tes airs avant qu'on te classe tes ailes. Tu fais des barbes certaines, nous on veut pas se faire ken. On côtoie terre-terre avec une rage de hyène. Assemble les tapes avec une barre de fer. Débranche les enceintes si la bague te sert. Cousin reste simple avant qu'on te baffe ta mère. On a pénétré la rue par sa boîte à merde. Dans la boîte à lettres, on reçoit des cartes alertes. Et si lui se repasse, on lui éclate sa lèvre. Pas le droit d'avoir une patte à laine. Crasseuse, lave-toi si t'as une chatte amère. Marre de trimmer, on a tout approuvé. Rage au ventre, ouais, on a tout approuvé. L'envie de percer, on a tout approuvé. Boost, t'es chez dans le bloc, t'es chez dans le bloc. Marre de trimmer, on a tout approuvé. Rage au ventre, ouais, on a tout approuvé. L'envie de percer, on a tout approuvé. Boost, t'es dans l'ombre. C'est pour les vrais, les gars. Viens, boost, t'es chez dans l'ombre. Ambiance, bocal, bullshit. Boost, t'es chez dans l'ombre. La France en casquette sur Vets. Boost, t'es chez dans l'ombre. Illicite, illégal. Boost, t'es chez dans l'ombre. De la IR, dans nos faux serbes fières. De voir nos frères s'enculer à la prière. Sans se mettre la prière, j'suis pris de merde depuis hier. J'suis de l'illicite filière. Il faut que j'aille pour avoir les tunas JR. Mais j'suis stoppé par la BAC et GIR. Moi j'ai pas le taf parce que j'suis originaire d'un quartier où le climat est hoche, même l'hiver. J'crois en Lucifer, après Cyber. Dans nos rues, trop de misère, obligé de s'y faire. Au coup de gyrophare, ma haine se réitère. Dans mes critères, tous les loups sont des Hitler. Marre de trimmer, on a tout approuvé. Rage au ventre, ouais, on a tout approuvé. L'envie de percer, on a tout approuvé. Pose, t'es dans l'ombre. Marre de trimmer, on a tout approuvé. Rage au ventre, ouais, on a tout approuvé. L'envie de percer, on a tout approuvé. Pose, t'es chez dans le hall, j'suis dans le hall. Néochrome Galaxy, l'instinct du bitume, Farash Nikov.